Bienvenue au 12e épisode du podcast des mots. La musique que vous venez d'entendre a été composée par CG Musi, un logiciel gratuit de génération de musique programmé par Massiège Niedrzycki. Bonjour, voici le podcast des nous. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca. Discutez sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@modmail.com. Il est temps de la merveilleuse chronique culturelle du podcast des nous. Il y a quelques jours de cela, j'ai essayé les fameuses chips à saveur de poutine. Pour ceux qui savent pas ce qu'est une poutine, c'est un fast-food typiquement québécois qui est composé de frites, de fromage en grains et de sauce brune, avec possiblement d'autres ingrédients qui sont parfois ajoutés. D'ailleurs, pour ceux qui veulent essayer des poutines excellentes et variées avec plein d'éléments dedans, je vous recommande d'aller à Montréal au restaurant La Banquise, ce qui est situé sur la rue Rachel et qui est apparemment ouvert 24 heures sur 24. Pour ce qui est des chips à la poutine, disons que pour une chip, c'est pas tellement difficile d'imiter le goût de la frite, vu que les deux aliments proviennent de la pomme de terre. Ils ont sûrement facilement trouvé un moyen chimique de reproduire le goût de la sauce brune. Pour ce qui est du fromage, je n'ai pas eu l'impression de ressentir tellement le goût du fromage. Je dois avouer que c'était assez moyen. Je dirais même que des chips au barbecue me semblent meilleurs que ça. Plus sérieusement, il est maintenant réellement le temps de la réelle chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man! Cette semaine, je vais vous parler de Space Runaway Ideon, une série animée japonaise de 39 épisodes produite en 1980-1981, suivie de deux films sortis en 1982. Ça a été réalisé par Yoshiyuki Tomino immédiatement après sa fameuse série Mobile Suit Gundam. Lors de sa diffusion, la série n'a pas été un succès. Elle fut donc écourtée par rapport au nombre d'épisodes initialement prévus, comme son prédécesseur Gundam. C'est une série culte, car sa Space Runaway Ideon a tout de même eu des fans, dont notamment Hideaki Anno. Selon les propres déclarations de M. Anno, Ideon serait une source d'inspiration pour sa fameuse série Neon Genesis Evangelion. Si certains éléments, certaines scènes de la série, surtout dans les épisodes 14 et 39, laisse présager Evangelion, c'est en fait très différent. Avant de présenter la série, je vais parler du contexte. Dans les années 70, on voit un fort essor de la science-fiction au Japon. Pas uniquement dû au succès notable de Star Wars, qui est sorti en 1977, en 78 au Japon. Il y a eu notamment Mazinger Z, en série animée de 1972 à 1974, qui fait tout de même 92 épisodes, selon un concept créé par Go Nagai, qui fait simultanément sa version manga, série de robots géants pilotés, qui va lancer la mode des séries de mecha, plus particulièrement des super robots de show. Il y a eu aussi en 74-75 la série Space Battleship Yamato qui fait 26 épisodes. Leiji Matsumoto donnera à cette série son style, qui propose du space opéra avec une histoire complexe abordant des sujets difficiles. Comme les dessins animés japonais pour la télévision de l'époque, Space Battleship Yamato s'adresse avant tout aux enfants, mais cette série a comme particularité de chercher aussi à intéresser les adultes. Ce fut un échec commercial parce que ça jouait en même temps que Heidi. Mais le film sorti en 1977, qui est un remontage résumant la série, fut un succès qui fait connaître la licence et poussa à la création de suites, d'autres séries de Leiji Matsumoto et pourquoi pas d'autres dessins animés japonais complexes pouvant intéresser les adultes, tels que Mobile Suit Gundam en 1979-80, qui fait 43 épisodes, créé par Yoshiyuki Tomino. Ce Gundam cherche à reprendre la série de mecha avec une approche plus réaliste, un scénario plus complexe, pas juste une série de bons contre les méchants. Il y a de l'intrigue politique. On essaie d'avoir une explication à l'existence des robots géants. Bref, reprendre la démarche de Yamato pour l'appliquer au mecha. On considère Gundam comme la première série de Real Robot Show, par opposition à Super Robot Show. Real se voulant plus réaliste et complexe. Super étant l'approche simpliste suivant le succès de Mazinger Z. Mais en vérité, je trouve la démarcation entre les deux un peu factice. C'est pas toujours aussi simple. Surtout dans le cas présent, qui reste tout de même une série de son temps, avec quelques trucs stupides à gauche à droite, sans doute pour les enfants. Lors de sa diffusion initiale, Gundam fut un échec, et donc un peu écourté. Ça a tout de même eu des fans. C'est devenu un succès et un classique avec la vente des jouets dérivés, la rediffusion et la version remontée en 3 films. Après l'échec du dessin animé original de Gundam, son réalisateur va s'essayer avec une autre série de mecha, Ideon. Je dois avouer que la série me fait plus l'effet d'un super robot show que d'un real robot show. C'est bien que pas trop manichéenne, on peut trouver des raisons aux méchants, c'est mieux approfondi. Avec les films, à mon avis, l'histoire est très simple. Mais la série va explorer parfois des thématiques intéressantes. Il y a des colons humains qui vont explorer des ruines archéologiques mystérieuses. Ils vont se faire attaquer par des extraterrestres, le Bof Clan. Les ruines se révèlent être 3 véhicules qui fusionnent pour devenir un robot géant, le Ideon, et un vaisseau spatial, le Solo. Le Ideon se réveille face à cette attaque et les colons pourront donc se défendre. Tout au long de la série, nous verrons le Bof Clan attaquer les colons, généralement pour s'emparer du Ideon et ceux-ci se défendre avec succès. Le Ideon serait lié pour ceux-ci au Idée, une divinité du Bof Clan. Il venait justement enquêter sur la planète de leur dieu. Les colons vont tenter de fuir afin d'éviter les attaques et mieux comprendre le Ideon. Un des sujets principaux abordés par la série est justement l'incompréhension face au Ideon. Son énergie semble fluctuer au gré des circonstances qu'on ne comprend pas. Il est parfois incapable de faire quoi que ce soit, parfois utilisable uniquement minimalement pour voler un peu, essayer de taper un peu les ennemis ou lancer des missiles que les hommes vont installer à bord. Parfois, il va lancer des attaques super puissantes. De plus en plus, au fur et à mesure que la série avance. Ce qui fait du sens, puisque, bien sûr, les attaques du Bof Clan se font de plus en plus dangereuses. Parfois aussi, l'Ideon agit de par lui-même et non pas en suivant les commandes du pilote. On peut se demander jusqu'où la puissance du Ideon se rendra et si cette puissance est réellement positive. Un autre sujet important de la série est que les colons ne sont pas des militaires mais des civils survivant malgré les malheurs qui s'abattent sur eux. Un autre sujet abordé de temps à autre qui prendra tranquillement plus importance dans la série est le refus par les humains de d'autres colonies d'aider nos héros. Ils peuvent carrément devenir des ennemis. Cosmo est le personnage principal de la série. C'est un pilote adolescent d'un des trois véhicules formant le Ideon et du Ideon lui-même. Ce personnage n'a rien d'un Shinji Ikari peureux et pleurnichard. Il est fonceur et déterminé, sauf dans l'épisode 14 où la suite continuelle de combats et quelques manœuvres viennent l'ébranler psychologiquement, l'enfermant quelques instants dans la peur et en faire un Shinji pour au final le faire à nouveau attaquer dans la fureur avec un dernier plan du Ideon qui semble hurler, cette scène qui m'a fait grandement penser à Evangelion dans un épisode qui n'en est pas très loin. Kasha, une adolescente qui pilote le second véhicule formant Ideon, me fait penser un peu à Asuka. Pas qu'elle soit folle, elle est simplement aussi très déterminée et peut-être un peu trop agressive. Fatima est le pilote du troisième véhicule et ça semble n'avoir aucune personnalité. Bess semble être en quelque sorte un leader, notamment du solo, et pilote le troisième véhicule au tout début de la série. Il me fait presque l'effet de l'image du père au milieu d'adolescents, de femmes et d'enfants, mais il est sans doute un peu trop jeune pour cela, sans doute plus le grand frère. Cheryl, une scientifique qui essaye de comprendre l'énergie d'Idéon, elle n'est pas toujours présentée sous une lumière sympathique. Elle peut faire un peu penser au personnage de Ritsuko dans Evangelion, mais au fur et à mesure de la série, on apprend à l'apprécier. Son personnage évolue en bien, quoique vers la fin. Karala est une extraterrestre qui sera fait prisonnière alors qu'elle essayait d'enquêter sur les colons et l'Idéon. Elle va se rallier à ceux-ci et éventuellement former un couple avec Bess. Ce n'est pas vraiment un spoiler, tellement le couple était prévisible. Il y a des enfants à bord, notamment Deck, grand ami de Cosmo, qui deviendra éventuellement son copilote, toujours accompagné de son écureuil. Il y a aussi Lou, un bébé, le plus jeune d'entre eux. Lota, une adolescente, s'occupe des enfants. Guige sera pendant bon nombre d'épisodes à la tête des extraterrestres attaquant les colons. Il est l'ex-fiancé de Karala et redeviendra un personnage majeur plus tard dans la série. Arulu est sa chef, à la tête de nombreux affrontements, grande sœur de Karala. Doba, leur père, chef militaire suprême du Bof Clan, n'apparaît que rarement, mais va jouer un rôle important. Il y a bien sûr d'autres personnages, mais whatever. La série suit principalement la formule de l'affrontement de la semaine à chaque épisode et est donc fortement répétitive malgré quelques changements dans la formule, découpant ainsi la série plus ou moins en plusieurs parties. Le style graphique et l'animation est représentatif de l'époque, mais bon, c'est pas trop mal non plus. Les musiques sont assez sympathiques, quoiqu'à mon avis, pas toujours utilisées intelligemment. Les effets sonores sont les mêmes que dans toutes les séries de mecha de l'époque. Vu l'échec commercial, la série sera interrompue un peu plus tôt que prévu, ce qui explique que l'action des derniers épisodes semble un peu passer du coq à l'âne. Il y a vraisemblablement quelques trous narratifs. Il y a aussi surtout le cas du dernier épisode qui propose une conclusion plutôt logique avec l'ensemble de la série, mais qui semble un peu la coller au milieu de l'intrigue. On a droit à une fin, mais pas un grand affrontement final. La série suit l'exemple de ses prédécesseurs Yamato et Gundam avec des films qui présagent le traitement qu'a connu Evangelion depuis. Le premier film, de Ideon, A Contact, est un montage d'extraits cherchant à résumer la série jusqu'à un certain point, un peu comme Evangelion, Death and Rebirth, beaucoup plus compréhensible que Death. Ce film ne suit pas exactement le déroulement de la série dans tous ses détails. Certaines choses ne sont pas présentes ou exactement pareilles ou tout à fait dans le même ordre, le but étant plutôt de faire un tout cohérent, contrairement à Death, qui est à peine compréhensible. Le film a tout de même plus de blabla que d'action, donc sans doute moins facile d'accès, un peu long. Quoique ça s'endure sans aucun problème, c'est bien moins pire que le film de Yamato que je n'ai même pas réussi à regarder au complet tellement je m'endormais. Je ne comprendrai jamais comment ce film a eu du succès. Le second film de Ideon, Be Invoked, commence par nous présenter des extraits de diverses scènes résumées se déroulant avant le dernier épisode de la série, ce qui fait qu'en vérité les films ne sont basés que sur une assez mince portion de la série, mais plus important, nous avons ensuite une version à peine résumée du dernier épisode sans sa conclusion, puis du nouveau matériel, ce que les fans de la série espéraient sans le moindre doute, de nouveaux drames pour les personnages, le grand affrontement final, bien plus que le peu qu'on voyait dans le dernier épisode, tout cela pour amener, en fin de compte, à une nouvelle conclusion, qui est en fait la même que celle de la série, mais ici dans une version prolongée, plus forte émotionnellement, plus détaillée et surtout qui tient compte de ce qui a été ajouté dans l'intrigue, mais aussi de ce qui a été enlevé, puisque c'est la conclusion des deux films et non de la série de télévision, ne considérant pas du tout ce qui n'avait pas été inclus dans le résumé. Une sorte de fin alternative en quelque sorte, un peu comme The End of Evangelion. Les deux films ayant suivi la série Evangelion semblent plus ou moins suivre l'exemple d'Ideon, bien que les films d'Evangelion sont bien plus difficiles à comprendre que ceux d'Ideon, notamment pour ceux qui n'avaient pas vu la série au préalable. On peut se demander pour quel public étaient conçus les films. Voulaient-ils rentabiliser et avec un peu de chance devenir un succès commercial comme Yamato et Gundam l'ont ultimement fait? Ou, ce qui me semble plus probable, visaient-ils simplement à faire un peu d'argent avec les fans, notamment les insatisfaits, un peu comme Evangelion, des années plus tard? Car si cela me semble bien moins pire qu'Evangelion, le tout est pour par moments un peu trop résumé, pas tout à fait logique ou compréhensible, ou bien un peu abrupt. Particulièrement le tout début du second film, qui résume une importante partie de la série en pas grand-chose. L'idée de faire voir le tout début du premier film du point de vue du Bof Clan est particulièrement intéressant pour les fans, mais risque de nuire à la compréhension pour ceux qui n'ont pas vu la série. Mais le fait de récompenser les fans avec le second film est sans aucun doute suffisant pour pardonner à ces films. Après tout, la série a été écourtée et cette fin est très bonne. Si la série est répétitive, avec des intrigues souvent ridicules, pour essayer de nous faire croire que l'Idéon serait en danger, le tout reste divertissant avec quelques idées sympathiques dont certaines seront exploitées à nouveau par Hideaki Anno dans Evangelion qui sera leur insuffler sa propre dimension inspirée aussi par son expérience de la dépression, la philosophie bouddhiste et la thématique christianiste, plus pour le style que pour le fond par contre. Si Evangelion sera un grand succès qui réussira à sublimer son prédécesseur, cela ne signifie pas que Ideon soit du caca. C'est plutôt le fun, pas trop mal fichu, avec quelques bons moments et idées intéressantes. C'est donc un divertissement honnête qui se mérite un bon 3 sur 5. Pour ceux qui ne se souviennent pas de mon système de notation ou qui n'ont pas écouté les précédents épisodes, je donne toujours une note de 5 sur 5. 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant une œuvre particulièrement réussie, 3 étant un bon divertissement, 2 étant une œuvre moyenne, 1 étant une œuvre mauvaise, et 0 étant nul à chier. 3, c'est divertissant, c'est tout à fait honorable. Je me demande si je ne devrais pas donner plus au second film, mais puisque sans tout le reste, il n'a pas le même intérêt, étant une conclusion, je ne peux pas lui donner plus de par lui-même. Bien que ça puisse être plus difficile à comprendre, je recommande plus de chercher à voir les deux films que la série, ceux-ci condensant la majorité des éléments intéressants tout en nous offrant une conclusion plus réussie, et puis la qualité d'enregistrement est meilleure. Après tout, la série fait tout de même 39 épisodes plutôt répétitifs, quoique en regarder quelques-uns ne peut pas faire de tort. Merci! À la prochaine! À la prochaine!